Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Houston? Oui, je suis ravi d'être là. Ça fait plaisir parce que je suis pas venu pendant. Tu t'en réveillé, hein, non, parce que j'étais en train de regarder un film X sur la chaîne W9 qui est au passage dans le. Parce que nous, on regardait des films X pendant que vous parliez. Hein. Des films très très sympas. N'importe quoi. Donc, excusez-moi. Donc, j'ai vu, je parlais des petites phrases de tout à l'heure. Bonjour Eric. Salut. Tout à l'heure, tu parlais des noms en OU. Oui. Et t'as oublié mon Basilou qui pleure comme un fou, qui est au fond du trou au 36e dessous, mais un gros voyou met quelques sous dans un grand trou et on oublie tout. Pas vrai Ricou ? Ça te rappelle les trucs ? Non. C'est méchant. Le jeunisme, alors vous parlez de jeunisme, c'est vrai que c'est un problème. On hésite toujours à mettre soit bah, prendre un jeune hein, qui est frais ou un vieux qui a de l'expérience. Et hein, moi, ceux qui ont vraiment tout compris, bah, c'est les Africains. Parce que eux, ils ont des jeunes de 20 ans qui ont jusqu'à 28-29 ans. Et c'est un bon compromis entre les deux, tu vois. Ça te permet d'avoir en même temps la fraîcheur et l'expérience. Voilà. Voilà. Tabanou qui était notre invité, il y va pas de main morte, hein, le mec. Attention, hein, quand il l'ouvre, planquez-vous, quoi. Donc, en équipe de France, bon, pour moi, ça va être chaud, hein, pour lui, parce que, c'est compliqué, parce qu'il est pas milieu défensif, et la place d'attaquant est déjà prise. Donc, voilà. Dommage pour lui. Il pourra pas jouer pour l'équipe de France, avec l'idée des chances, ça va être compliqué. Et tu disais qu'il y avait pas de chanson sur Tabanou. C'est faux! J'ai eu le temps d'en faire une. Non! Oh, non, mais ça dure deux secondes, hein. Vas-y. Attention. Tabanou! C'est la balle qui s'enfuit, tu t'en fous. C'est l'ambition d'être dans le ventre mou. Une place dans le top 15 et c'est tout. Tabanou frappe du gauche comme un sourd n'importe où. Quand ton meilleur joueur c'est Capou, t'es pas prêt de finir au Camp Nou. Tabanou. Oui, merci, bonsoir les drôles de dames. Bonsoir. Voilà. Donc vous avez parlé tout à l'heure, un auditeur a parlé de Saint-Étienne qui était favori. Alors toi Gilbert, tu disais qu'ils étaient favoris contre Lyon. Ils disaient le problème c'est quand on est favori. T'as dit que pour la première fois ils étaient favoris contre Lyon. Non, j'ai dit pour la première fois on aurait peut-être un niveau sportif. Voilà. Mais le problème, c'est que notre ami de Saint-Étienne disait que oui, mais quand ils sont favoris, à chaque fois ils perdent. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils sont favoris, ils peuvent pas gagner. Donc s'ils sont favoris, ça veut dire qu'ils sont outsiders. Donc le problème, c'est que si t'es favori, à chaque fois que t'es outsider et inversement, comment tu fais les paris sur RMC? T'es obligé d'écouter Louis? Non merci, je préfère encore pas parier. Merci. Ou faire du turf. On a parlé de Toulouse. Toulouse, tout à l'heure, qui a fait des efforts. C'est vrai que c'est pas un club médiatique, Toulouse. On n'en parle pas beaucoup. Pourtant, ils font des efforts. Bon, ils ont un jeu de merde. Ils ont des mecs qui, quand ils parlent, ils sont très discrets. Bon. Mais ils font des efforts. Tu vois, c'est un club glamour. Regarde le nom de leur stade, par exemple. Ben, leur stade s'appelle le Stadium. Fallait y penser. Je veux dire, c'est des mecs, on sent qu'il y a du naming. Ça travaille. Tu vois, je veux dire, le surnom des joueurs, par exemple, les surnoms des joueurs de Toulouse, c'est pas les Gunners. C'est pas les Red Devils. Tu sais comment on les appelle là-bas? Les Violets. Les joueurs de foot. C'est hyper bien trouvé. Le prénom de la fille de Sadran, elle s'appelle Prénom. C'est quand même bien vu, Prénom. Et le sponsor, c'est Sponsor. Voilà. Ça, c'est un club qui nous fait rêver vraiment de Toulouse. Moi, je comprends pas pourquoi c'est pas plus médiatique. Franchement. Et puis, tu parlais des phrases de district. Et t'as cité plein de phrases, tu sais, dans ton petit bouquin, là. J'ai pas touché, la main courante. Et il y a des phrases qui reviennent souvent dans les matchs de district. C'est ça, c'est. Hey, Siaka, reviens défendre. Siaka, le marquage. Siaka, reviens dans ton dos. Siaka, attention, il y a un truc sphérique et blanc qui te fonce vers toi, mais pas les mains. Voilà, donc ça c'est des phrases qu'on entend souvent dans les districts, enfin qu'on devrait entendre plus souvent dans les districts malheureusement. Et puis surtout, j'aurais parlé du derby, parce que quand même cette semaine, c'est quand même la semaine des derbies pourris quand même, parce que on a eu le derby normand là qui était ce soir, qui est quand même un vrai derby, hein, que j'appellerais le Tancarvillico. Il faut quand même pas oublier que mais je déconne, mais quand le Havre, c'est super chaud, c'est la guerre entre les bas normands et les hauts normands. Je peux vous dire que l'année dernière ça a chauffé entre les Red Bisounours de Caen et les Ultra Pommes d'Amour du Havre, ça a fini super mal, 27 interpellations, jet de pomme au four, attaque à la crème fraîche, camembert sous les sièges, un truc de malade, attention, hein. 9 mois d'affinage planqué sous la banquette, tu fais pas le malin. Et le pire, 3 individus pris en flagrant délit, en train de mettre à feu 2 crêpes au Grand Marnier, un truc de dingue. Heureusement, la police a pu intervenir à temps, hein, puisque l'un d'entre eux a renversé sa bolée de cils sur le chemisier de Nadine, la guichetière du virage nord d'Ornano. Sinon, on était mal. Bref, finalement, entre les forces de l'ordre et les manifestants, enfin les joueurs et les supporters, ça s'est bien passé, puisque Germain Elbeuf, le chef des Magic Bulots, risque 2 mois de travaux d'intérêt généraux au Buffalo Grill de la ZAC de Bourneville pour insulte à Jean, puisque il a dit à un gendarme, va donc, hé, cake aux olives, t'as trop trempé tes cerises dans le calva. Voilà, mais visiblement, il ne risque pas trop de matchs de suspension, merci. Non, non, non, n'exagérons rien. Non, bah, vends pas trop le truc, parce qu'après, c'est bon. Ah, alors qu'il y a un truc vient de tomber sur le téléscripteur, Gilbert. Une bagarre nouvelle. Ce soir entre supporters des Zagreb et du PSG à Paris. Tant bagarre mieux. Ont opposé sur la place de la Bastille. Ouais. Baston des supporters à la Bastille. Des deux clubs. 24 interpellations, un supporter croate sérieusement blessé. Oh, bah, c'est sûr que c'est pas les mecs de Caen, Le Havre qui ont voulu se chauffer. Ça va faire une bonne publicité aux supporters du PSG, ça. Voilà, exactement. Allez, Julien, c'est à toi. Besoin. Non, mais je suis super content. Enfin, mais faux, à... faux, pour ces faux supporters plutôt, pas pour les vrais. Bien sûr, Julien. Très bien. Les Allemands qui nous sortent pas toujours, les Allemands. Bon, c'est vrai qu'on sait qu'ils ont des journaux qui s'appellent Kickers, ils ont des joueurs qui s'appellent Scholl. En même temps, on a des arbitres qui s'appellent Bata. Bon, je sais pas si on peut rivaliser, mais enfin bon, on est quand même dans l'univers de. Tu, trouver, tu vas bien trouver un qui s'appelle André. Même pas. Il y a pas un monsieur André. J'ai cherché Eric André. Oh, nous on est André Santos. J'ai cherché un journal qui s'appelle le Héram. À part le Héram Tribune, mais Pierre-Yves André. Ça marche pas vraiment. Ah, Pierre-Yves André, oui, ça marche aussi, ouais, c'est vrai. Ça marche bien. Enfin, ça pue et puis quoi. Bref. Berluti en Italie, il y en a pas un. Comment? En Italie? Berluti. Berluti, je crois que c'est un président de club, mais je suis pas sûr. Non, c'est De La Vallée, mais c'est pas Berluti, c'est Todd. Ouais. Ah, c'est ça, putain, c'est Todd. Luis Suarez qui défraie la chronique avec des titres des super Suarez, Magic Suarez. Il n'y a même pas eu un sacré Suarez, quoi. J'ai quand même... c'était le moins. Bah, je trouvais qu'il. Bon, bah, j'étais déçu. Les supporters du Barça qui sont pessimistes, qui sont déçus, qui sont un peu, tu vois. Mais vas-y, tu sais quoi, Fred? Envoie-les à Marcel Picot pour un derby contre Metz au mois de novembre. Hein, tu les envoies à Marcel Picot, c'est Nancy, hein, c'est pas Metz. Oui, dans un derby contre Metz au mois de novembre. T'écoutes, Gilbert? Dans un derby contre Metz. Mmh. Ah, voilà. Ouh là là, on l'a perdu. Oui, ben bah, t'inquiète pas, moi non plus, j'y vais pas, donc forcément, j'ai pas les réflexes. Le Barça, ils sont là, Metz, une fois, ils ont pris. Mais tu sais, c'est un peu comme le gamin, les joueurs du Barça, les mecs du Barça, c'est un peu comme le gamin qui veut une PlayStation et pas une Xbox, puis tu l'envoies en Somalie dans un village sinistré, tu vois, pour qu'il apprenne la vie. Non, j'exagère un peu. Non, je suis salaud. Je suis salaud parce que, non, je reconnais que je suis salaud, les Somaliens, ils échangeraient pas. Hein, je pense que, avec tout le respect que je n'ai pas pour la région de la Lorraine d'ailleurs. Demain, en Ligue des Champions, mais on capte pas là-bas, tu m'as dit qu'on n'avait pas d'antenne. Je crois que si maintenant. Non. Mais je passe pourquoi moi, ça enregistrait là. Bah oui, oui. Oh, tu le coupes pour un podcast. C'est même en direct. Oh, ils ont pas internet. Alors, demain, en Ligue des Champions, le derby, bah, le fameux derby du Qatar entre la Masia du Paris Saint-Germain et Malaga. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils vont jouer à Doha, est-ce qu'ils vont jouer, comment ça se passe. Toujours pareil. Il a toujours pas été viré l'entraîneur du PSGB là. Allegri. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ils mettent pas Camboire ou je sais pas ou Vincent Guérin? Oh putain, ça marche pas. Il y a aucune synergie dans cette entreprise. Enfin bref, le fameux derby. Non, je vais pas partir. Bordeaux-Toulouse, on n'en parle pas. Non, ça sera très bien. Ibrahimovic. Alors, c'était un derby, Bordeaux-Toulouse. Oui, mais tu sais, le fameux derby. Bah, tu rigoles. Mais quoi? Le derby de la Garonne. Bon, le derby de la Garonne, tu connais pas? Non, mais attends, tu rigoles, c'est deux villes qui se détestent. Ils pensent à ça pendant toute l'année, les mecs dans les rues. Ils ont la bave aux lèvres et tout, ils attendent le derby comme des malades, ils mettent le feu à la ville. AZF, il paraît que c'est un mec qui a pas digéré un but de Bancarel au Parc Lescure. T'as pas idée de la haine entre ces deux clubs. À côté, Betis Séville, FC Séville, c'est un Carville. Galatasaray Fenerbahçe, c'est une partie de Kems. Non, attention. Ne déconnez pas, le derby, c'est un derby de ouf. Le derby de la Garonne. Non, excusez-moi, moi j'ai vécu à Toulouse, j'ai jamais entendu parler de ça. Il faut pas nous prendre la tête avec le derby de la Garonne. Le seul derby, ça doit être Colomiers-Montauban en rugby. Et encore, il y a 800 personnes grand maximum. Hein, au stade Ticcio Holgado. Bref. Donc, Ibrahimovic qui a pris un carton rouge. Alors, est-ce que c'est trop sévère? Je rappelle quand même qu'il n'y a pas intention de faire mal. Hein. Quand les mecs ils disent qu'il y a intention de faire mal, non. S'il avait eu envie de faire mal, Zlatan, il aurait traversé Ruffier de part en part. Hein. Il lui aurait pété trois côtes flottantes. Hein. C'est que dalle ce qu'il lui a fait. En plus, le mec, il a les crampons de Zlatan calligraphiés sur le torse. Il devrait s'estimer heureux. C'est devenu une œuvre d'art, Ruffier. Ça se vend, ça. Mais bien sûr, attends, le mec, avant, il valait quoi? Tu le vendais 5 millions à West Ham. Aujourd'hui, tu peux le vendre 20 millions à la FIAC. Alors merde. Tu nous casses pas les couilles, Romayer. Et je voudrais finir en rendant hommage à une grande personne du football, qui fait partie un peu de l'after, et pour qui aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier. Musique. Et oui, aujourd'hui on fête l'anniversaire de moi. Ah, voilà, puisque personne ne l'a fêté. Je fête mon 32e anniversaire. Oui, il y en a 6 que j'ai pas fêté. Et donc voilà, donc je fête mon 32e. Et Julien est né le même jour qu'Amédi Pelé, Jean-Pierre Papin, voilà. Et Marco Verratti. Voilà, c'est ça. Alors justement, merci à Marco Verratti, parce que sans lui, pour un mec qui a été abonné à Auteuil pendant des années, être le même jour que Jean-Pierre Papin, Amédi Pelé, ça fait mal au cul. Mais là, grâce à Marco Verratti, je ne suis plus seul. Merci, bonsoir.